الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. للونج est à Dieu Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adama wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana تقريبا في فصل الشتاء. On est actuellement presque en plein hiver ou dans la saison d'hiver. بحيث يصبح الليل طويلا. Et pendant cette saison d'hiver, comme on l'a constaté, la nuit devient très longue par rapport au jour. تقريبا 15 ساعة, à peu près 15 heures. Et la journée contient à peu près 9 heures. Et la nuit est le moment du sommeil et des rêves. En ce qui concerne les rêves, l'un de mes frères m'a dit بأن أكثر الكتب التي تباع fil maktabat al-islamia, il m'a dit comme quoi la majorité des livres qui se vendent ou qui marchent bien dans les librairies musulmanes, laysat sahih al-Bukhari ou Muslim, ne sont pas, ces livres ne sont pas l'authentique d'al-Bukhari ou l'authentique de Muslim, ou kutub al-tafasir, ce ne sont pas les livres d'interprétation du Coran, ou l'aqida ou l'akhlaq, ou les livres qui traitent la foi ou la croyance, le dogme musulman ou bien l'éthique musulmane, bel kutub tafsir al-ahlam wa kutub ar-ruqya min as-sihr wal-ayn. Les livres qui marchent bien aujourd'hui dans les librairies musulmanes sont les livres d'interprétation des rêves et les livres de la ruqya, de contre la sorcellerie ou bien le mauvais œil. La ruqya, ça veut dire le fait de se guérir. Fal muslimun taraku al-alam al-mushahada li ghayrihim. Les musulmans aujourd'hui ont abandonné le monde visible aux autres, ça veut dire aux non-musulmans, wa ihtammu bi'alam al-ghayb bi'alam ghayr mushahad. Et les musulmans d'aujourd'hui se sont intéressés à un monde invisible, alam al-ahlam wal-jinn, le monde des rêves et le monde des diables. Tajid al-insan qabla salat al-fajr, tu remarques que l'individu avant la prière de l'aube, in kana min al-musallin lil-fajr fi al-waqt, s'il fait partie parmi ceux qui accomplissent la prière de l'aube à l'heure, ou il lam yakun minhum, dans le cas où il n'en fait pas partie, qabla tanawul al-futur, avant de prendre le petit déjeuner, ya'khudh kitab tafsir al-ahlam, il saisit le livre qu'il a bien acheté dans une librairie, le livre d'interprétation des rêves. Ghayruna yaqra'u kull sabah fi as-suhuf at-tawali', les autres, les non-musulmans ou même parmi les musulmans, lisent chaque jour le matin dans les journaux ce qu'on appelle l'horoscope. وبعض المسلمين يقرؤون كل يوم تفسير الأحلام. Mais en parallèle chez nous, une partie des musulmans chaque jour le matin ils lisent les interprétations des rêves. وبهذه المناسبة سأتكلم اليوم عن الرؤيا في الإسلام. Raison pour laquelle je vais aborder aujourd'hui la vision, c'est-à-dire pendant le sommeil, la vision en islam. وأبدأ بالنقطة الأولى, et je commence par le premier point. ماذا يقول الإسلام عن الرؤيا؟ Quel est l'avis de l'islam à propos de la vision? Al-Jawab, la réponse, Ar-Ru'ya Haqiqa. L'islam dit que la vision est une vérité ou bien véridique. On ne peut pas la nier. Wad-Dalil, Anna Allah ista'malaha kawahyin lil-anbiya. La preuve, l'argument, c'est que Dieu a fait de la vision une façon de, ou une forme de révélation pour parler avec les prophètes. فإبراهيم عليه السلام أراد ذبح ابنه إثر رؤيا منامية. Abraham, prière et sagesse, a voulu égorger son fils suite à une vision pendant le sommeil. لأن رؤيا الأنبياء حق, parce que la vision des prophètes est une pure vérité. لا يمكن أبدا لإبراهيم عليه السلام ذبح ابنه لو لم تكن الرؤيا وحي عنده. Il est impossible pour Abraham d'égorger son fils dans le cas où la vision n'était pas pour lui, dans sa croyance que la vision était pour lui une révélation. يوسف عليه السلام ورؤياه في صغره أن إحدى عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا له. Joseph, prière et sagesse lui, et son, sa vision à bas âge, comme quoi il y a 11 planètes, le soleil et la lune qui se sont prosternés pour lui. Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, notre maître et bien-aimé Muhammad, prière et sagesse lui, taqulu Aisha radiyallahu anha, notre mère Aisha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. Elle dit que la révélation a commencé chez le messager de Dieu, prière et sagesse sur lui, par la vision sincère ou la vision véridique dans le sommeil. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كانت تتحقق مع طلوع الصبح. الذي رآه بالليل في المنام كان يراه عند الصبح في عالم اليقظة. Et le prophète, prière et sagesse, elle dit, c'est-à-dire notre maître Aïcha, lorsqu'il voyait une vision dans le sommeil, la vision se réalisait pour lui dès la lumière du jour, dès le matin. Rawahu al-Bukhari. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. ربما يقول قائل, peut-être quelqu'un va se poser la question, هذا خاص بالأنبياء, il s'agit là de quelque chose qui est spécial au prophète. الجواب, la réponse, لا بل لكل الناس, non, ceci peut concerner tout le monde. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et sagesse, lui dit, رؤيا المؤمن, هنا المؤمن مش فقط النبي, رؤيا المؤمن, وسنرى معنى الرؤيا, مش كل رؤيا, رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. إلا نشدوا النبوة ونقسموها على 46 قسمة, وحدة غتكون هي رؤيا المؤمن, يعني الله يعلمه بشيء من الغيب. النبوة أنك تتنبأ, الله تصبح نبي, الله يطلعك على الغيب, والله يطلع بعض المؤمنين على بعض الأمور التي يحبها الله تعالى وتبارك بطريق الرؤيا. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة, متفق عليه البخاري ومسلم وغيرهم. Le prophète dit dans ce hadith, la vision, et on va bien définir la vision plus tard, la vision du croyant constitue le 1/46 de la prophétie, unanimement authentique. وقال صلى الله عليه وسلم, et il a dit, prière et sagesse, لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. Il a dit, il ne reste de la prophétie, parce qu'il n'y a plus de prophète après lui, il ne reste de la prophétie que les bonnes nouvelles. قالوا وما المبشرات. Ils dirent, et quelle est la signification des bonnes nouvelles? Qala ar-ru'ya salihah. Il a répondu la vision vertueuse. Rawahu al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Wa sa'ala Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, et une fois Ubadah fils de Samit, que Dieu soit satisfait de lui, a interrogé le prophète, prière et salut, à propos d'un verset coranique. Sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an tafsiri ayatin quraniyah lahumul bushra fil hayati ad-dunya. À eux la bonne nouvelle dans la vie ici-bas. قال صلى الله عليه وسلم le prophète prière et celui lui a donné cette réponse, هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. Il s'agit de la vision vertueuse vue par un croyant ou vue pour lui, ça veut dire par un autre croyant. رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني. Donc ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui l'a authentifié, rapporté aussi par l'imam Ibn Majah, qui a été authentifié par al-Albani. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, qala ta'ala fi ayatin karima, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les bien-aimés de Dieu, aucune crainte à leur sujet et nul chagrin ne les afflige. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui étaient pieux, c'est-à-dire craintifs vis-à-vis de Dieu, lahumul bushra. Hadou, andoun bushra fi dunya. Lahumul bushra fil hayati dunya bil manamat, bil ru'ya saliha. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, wa fil akhirah. Ils ont la bonne nouvelle dans la vie ici-bas, la bonne nouvelle interprétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la vision vertueuse pendant le sommeil. Ils ont la bonne nouvelle dans la vie ici-bas et dans la vie ultime. La tabdila li kalimatillah. Aucun changement aux paroles de Dieu. Dhalika huwa al-fawzul azim. C'est cela le très grand succès. Idha kunta abdan mu'minan min al-muttaqin. Si mon frère ou ma sœur, tu es un adorateur croyant parmi les pieux, yuthifuka Allahu bil bisharat fi nawmik. Dieu va t'honorer par des bonnes nouvelles pendant ton sommeil, ala shakli ru'a aw ru'ya salihah, sous la forme de visions vertueuses. Rubbama yaqulu qa'ilun, peut-être quelqu'un va se dire, hal ar-ru'ya faqat lil mu'min? Est-ce que la vision véridique ou sincère est réservé uniquement pour les croyants? Al-Jawab, la réponse, la li kulli nas, non, pour tous les humains, hatta ghayr al-mu'min, même pour le non-croyant. Et il se peut que la vision guide quelqu'un vers l'islam. Ou mumkin anna wahid bru'ya yuslim. Ka ru'ya malik Misr fi zaman Yusuf alayhi salam, comme la vision de l'empereur ou du roi égyptien à l'époque de Joseph, prière et salut sur lui. Wa karu'ya shabbayn fi sijn ma'a Yusuf alayhi salam, et comme la vision faite par les deux jeunes qui étaient dans la prison avec Joseph, prière et salut sur lui. Ghayra anna ar-ru'ya takunu 'inda al-mu'min as-salih akthar wa akthar min ghayrihi. Seulement la vision sincère ou vertueuse se réalise beaucoup plus chez le croyant que chez le reste de l'humanité. Le deuxième point, les catégories de la vision. Le prophète prière et sage lui dit, la vision existe sous trois formes ou trois types. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. La vision vertueuse est une bonne nouvelle venant de la part de Dieu. Rien à dire. ورؤيا تحزين يدرك الحزن. ورؤيا تحزين من الشيطان. وفي رواية ابن ماجة رؤيا تخويف يخوفك الشيطان. هذه من الشيطان. Et une vision d'attristement venant de Satan, du diable, qui veut te rendre triste. Et dans une version de Ibn Majah, il veut te faire peur. le cauchemar, etc. Wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu, et une vision qui constitue ou schématise l'aspiration psychique de la personne. La personne qui parle avec lui-même ou qui songe ou des songes psychiques, qui songe à des choses, des aspirations, et ça se réalise dans le sommeil. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, par l'imam At-Tirmidhi et Ibn Majah. هناك الرؤية الصالحة، donc il y a la vision vertueuse. تستيقظ وأنت فرحان جدا بما رأيت. Tu te réveilles le matin en étant très très très content, très joyeux de ce que tu as vu. فهذه من عند الله. Celle-ci vient de la part de Dieu. Tu es joyeux, tu es content de ce que tu as vu. Ça vient de la part de Dieu. رأيت الكعبة. Tu as vu la Kaaba. رأيت الجنة. Tu as vu le paradis. رأيت نفسك تقرأ القرآن. Tu as vu que tu étais en train de réciter ou de lire le Coran. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكلمك يهنئك. Tu as vu mon frère ou ma sœur le prophète, prière et salut sur lui, qui te parlait, qui te félicitait. Il a akhiré, etc. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، sachant que le prophète prière et salut lui dit من رآني في المنام فقد رآني. ما فيش لعب. Celui qui m'a vu dans le songe ou dans la vision nocturne, il m'a réellement vu. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, parce que Satan ou bien le diable ne peut pas prendre ma forme. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, unanimement authentique. فَإِذَا رَأَيْتَ رُؤْيَا صَالِحَ, dans le cas où tu vois une vision vertueuse, فَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ, sache que Dieu t'a aimé. فَعَلْتَ شَيْئًا وَأَحَبَّكَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ, tu as fait quelque chose et Dieu t'a aimé en contrepartie. وَبَشَّرَكَ بِحُبِّهِ, et il t'a annoncé la bonne nouvelle comme quoi il t'aime. أَمَّا الْحُلُمْ أَوْ الْحُلُمْ, نَقُولُ الْحُلُمْ وَنَقُولُ الْحُلُمْ. أَمَّا الْحُلُمْ فَمِنَ الشَّيْطَانِ, tandis que le rêve, il provient de Satan. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان متفق عليه البخاري ومسلم وغيرهم. Le prophète prière et sage lui dit, la vision provient de Dieu et le rêve provient de Shaytan, de Satan, unanimement authentique. القاعدة, donc on arrive à la règle suivante. القاعدة هي ما كان من الله يسمى في الإسلام رؤيا. La chose venant de Dieu pendant le sommeil s'appelle en islam une vision. وَمَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ يُسَمَّى حُلُمًا أَوْ حُلْمًا. Et ce qui provient de Satan pendant le sommeil s'appelle en islam un rêve. وَالشَّيْطَانُ يُخَوِّفُكَ يُحْزِنُكَ يَضُرُّكَ فِي الْحُلْمِ. Et Satan t'attriste, Satan t'effraie, Satan te fait du mal dans le rêve. فَتَسْتَيْقِضُ حَزِينًا, et tu te réveilles attristé. خَائِفًا, effrayé, إلى آخره, etc. وَالْجُزْءُ الثَّالِثِ, et la troisième partie des rêves, سَمَّاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَدِيثُ النَّفْسِ. La troisième partie, le prophète prière, le savant des savants, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens à notre époque sont en train d'étudier dans des laboratoires ce qui se passe dans le sommeil, le rêve. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم منذ 1400 انتهت القضية. Mais le prophète prière et sage lui a précédé tout le monde depuis 1400 ans. Il nous a donné la réalité de l'activité psychique de l'individu pendant le sommeil. قال في الجانب الثالث أنا حديث النفس. La troisième partie, c'est les aspirations psychiques ou les songes psychiques. تحب أن تتزوج فترى نفسك في المنام تزوجت أصبح ما كاين والو. Tu veux te marier, tu vois dans le rêve que ça y est, tu es marié, mais le lendemain il y a rien. تحب شراء سيارة فترى نفسك في المنام راكب فيها. اشتريت السيارة إلى آخره. Tu veux une voiture, tu veux acheter une voiture, tu rêves d'une voiture dans le jour, ça y est, le soir, tu vas voir la même chose. Tu as acheté la voiture, etc. رجل يذهب عند إمام. Un homme est parti voir un imam. ويقول له أحب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولكني لم أره حتى الساعة. Il dit à l'imam, je rêve de voir le prophète sallam dans une vision nocturne, mais jusqu'à maintenant je n'ai rien vu. فماذا أفعل, que dois-je faire? قال له الإمام, l'imam lui dit, كل اليوم في طعام العشاء الحوت. Mange pendant le dîner de ce soir du poisson. ولا تشرب الماء, et ne bois pas l'eau. ونم, et dors par la suite. وفي الصباح قال الإمام للرجل, le lendemain matin l'imam dit à l'homme, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, as-tu vu le prophète prier et sa souris? قال لا, il a répondu non. ولكني رأيت نفسي أنزل بئرا وأشرب ماء باردا حلوا. Mais j'ai vu dans le rêve que je descendais dans un puits, masha'Allah, et j'ai bu une eau fraîche et douce. فقال له الإمام, et l'imam lui dit, ملح الحوت, الحوت ملح, ملح الحوت دفعك إلى حب شرب الماء. C'est le sel qui se trouve dans le poisson qui t'a poussé à devenir assoiffé et à aimer beaucoup boire l'eau. فرأيت الماء في المنام, et le même jour tu as vu l'eau dans le rêve. ولو أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كما أحببت الماء لرأيته في المنام كما رأيت الماء. Et mon frère, dans le cas où tu as aimé le prophète صلى الله عليه وسلم comme ton amour pour l'eau, tu allais le voir dans le rêve comme tu as vu l'eau. بمعنى النفس أحبت الماء فرأت الماء في المنام. وهذا يدخل في حديث النفس. La signification c'est que l'homme a aimé l'eau parce qu'il avait soif, et comme il aimait l'eau, il a vu l'eau dans le rêve, et on appelle ça l'aspiration psychique. ربما يقول قائل, peut-être quelqu'un va dire, هل الحلم الشيطاني المخيف يضرني في حياتي? Quelqu'un va se poser la question, est-ce que le rêve satanique effrayant va me faire mal dans ma vie? الجواب, la réponse. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه, si l'un de vous fait un rêve qu'il déteste ou voit un rêve qu'il déteste, فليمفث عن يساره ثلاثا, qu'il souffle à trois reprises vers sa gauche, وليتعوذ بالله من شرها, et qu'il demande la protection de Dieu contre le mal venant de ce rêve, فإنها لا تضر, et ce rêve ne lui fera aucun mal. متفق عليه البخاري ومسلم, unanimement authentique البخاري et مسلم. On souffle trois fois à gauche, on demande la protection de Dieu contre le mal de ce rêve, et il n'y aura aucun problème, et oublie même ce rêve. وفي رواية, dans une version, فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس, et dans une version le prophète il a dit juste après le rêve qu'il se lève, qu'il prie et qu'il n'en informe personne, ça veut dire de ce rêve il ne raconte pas ce rêve à personne. متفق عليه, unanimement authentique. وفي رواية لمسلم, dans une version de مسلم, وليتحول عن جنبه الذي كان عليه, et qu'il change le côté sur lequel il dormait. بهذه الطريقة الحلم الشيطاني لا يضرك في حياتك. Avec cette méthode prophétique, le rêve satanique ne te nuit jamais dans ta vie. إذا كنت تثق بالنبي صلى الله عليه وسلم, si mon frère ou ma sœur, tu as vraiment confiance au prophète prière et sa souris, الحلم الشيطاني لا يضرك, le rêve satanique ne te fait aucun mal. بطبيعة الحال إذا فعلت الوصايا النبوية التي ذكرنا, bien sûr dans le cas où tu accomplis les conseils prophétiques que nous avons cités. ولا تحدث الناس به, et ne raconte ça à personne. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, un homme est venu vers le messager de Dieu prière et sa souris, فقال, et il dit, يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع. j'ai vu dans un rêve comme si ma tête a été coupée, tranchée. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète prière et sage lui a ri. وقال, et il a dit, إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. ما يعطيش القيمة للشيطان. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه الإمام مسلم وابن ماجه. Et le prophète lui dit, si Satan fait de vous un jouet, ça veut dire il joue par quelqu'un ou il se moque de quelqu'un de vous dans son sommeil, qu'il ne raconte pas ça aux gens, rapporté par l'imam muslim et l'imam ibn Majah. Al-Nuqta al-Thalitha, وحنا نشوفوا روسنا طايح من الجبل ولا ما على باليش ولا فهادشي كلشي من الشيطان. Tout ce qu'on voit comme mal vient de Satan qu'on ne le raconte même pas. Al-Nuqta al-Thalitha, la troisième partie, tafsir al-ru'ya, l'interprétation de la vision. Ra'ina bi anna al-ru'ya tanqasim li thalathat aqsam. Nous avons vu que la vision existe sous trois formes. Faqisman la tafsir lahuma. Deux formes n'ont aucune interprétation. Fala fa'ida min hikayatihima lin-nas. Et il ne sert à rien de les raconter aux gens. ولا فائدة من قراءة كتاب التفسير للأحلام. Et ça ne sert à rien de lire l'interprétation des livres de l'interprétation des rêves. والقسمان هما حلم الشيطان وحديث النفس. Ces deux formes, bien sûr, sont le rêve satanique ou bien l'aspiration psychique. وأكثر المنامات من هذا النوع. Et la majorité des rêves font partie de ces deux formes, soit qu'il y a le shaitan ou bien l'aspiration psychique. فَلَا فَائِدَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابَ التَّفْسِيرِ كُلَّ يَوْمْ فِي الصَّبَحِ. Donc ça ne sert à rien de lire chaque matin l'interprétation des rêves. وَالْقِسْمُ الْأَخِيرِ وَهُوَ النَّادِرِ. Et la troisième partie, et qui est vraiment très très rare, فَهُوَ الَّذِي يُفَصَّرِ. C'est cette partie qui s'interprète, أَوْ يُحْكَى, ou qui se raconte. وَلَكِنْ مَنْ يُفَصِّرُهُ. Mais qui l'interprète? Waliman yuhka? Y a qui on raconte ce troisième type de vision? Al jawab min famin nabi sallallahu alayhi wa sallam. La réponse, je vous la donne de la bouche du prophète, prière et sage lui. Qala al nabi, il dit prière et sage lui, wa la yuhaddith biha illa labiban aw habiban. Et qu'il ne le raconte, c'est-à-dire le rêve, qu'à un expert dans la matière des rêves ou à un bien-aimé. Labib, yani khabir, andu khibra. Rawahu al-Tirmidhi wa Ahmad al-Bayhaqi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ahmad et l'imam al-Bayhaqi. Fala tahki ru'yaka illa litnayn. Tu ne peux, frère ou sœur, raconter ta vision qu'à deux personnes et pas une troisième. Awalan, premièrement, les habib, pour un bien-aimé. Abik, pour ton père. Ummik, ta maman. Zaujatik, ton épouse. Zaujik, ton mari. Auladik, à tes enfants. Liannahu al-habib lan yahsudak. Parce que le bien-aimé ne va pas être jaloux de toi ou de ta vision. Wasa yafrah bi farahik. Le bien-aimé deviendra vraiment heureux lorsqu'il te voit heureux. قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام. Jacob, prière et sage lui, dit à son petit Joseph, prière et sage lui, قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Il dit, mon petit, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car il pourrait te jouer un mauvais tour. Le diable est certainement pour l'homme un vrai ennemi. Parce que les frères de Joseph étaient des jaloux, de très jaloux de leur frère. Le deuxième auquel tu peux raconter ta vision, c'est le labib, l'expert, al-khabir, al-alim, le savant de l'interprétation des rêves. Al-alim bi tafsir al-ru'a. Bima'na la tatlub tafsir al-ru'yaka inda man habba wa dhab. C'est-à-dire, tu ne demandes pas l'interprétation, mon frère ou ma sœur, de ta vision chez n'importe qui. Et il se peut que quelqu'un se pose cette question. Et pourquoi je ne raconte pas ou je ne demande pas l'interprétation à n'importe qui? La réponse vient de la bouche du prophète, prière et salut sur lui. Donc, le prophète dit que la vision reste sur la patte d'un volatile, d'un oiseau, tant que la personne ne la raconte pas. Et quand la personne la raconte, elle tombe de la patte de l'oiseau, ça veut dire elle va tomber vers le monde terrestre. Rawahu al-Tirmidhi wa Ahmad wa al-Bayhaqi wa qala al-Albani sahih, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, par l'imam Ahmad, l'imam al-Bayhaqi, et a été authentifié par al-Sheikh al-Albani. Wa fi riwayat ukhra, dans une autre version, qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit prière et salut sur lui, ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bar. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الرؤيا المنامه كتبقى فوق الرجل ديال داك الطائر طالما ما فسرها لك حتى واحد او ما فسرتيهاش انت لنفسك. فاذا عبرت وقعت. ملي كيفسرها لك شي واحد ولا كتفسرها انت كتنزل الى الارض. الا بغيتيها ما تنزلش ما تفسرهاش. معنى لو بغيت تفسرها فسرها شي حاجه مليحه، ما تفسرهاش شي حاجه قبيحه. Le prophète dit dans une autre version, la vision reste sur la patte d'un volatile tant qu'elle n'est pas interprétée, mais une fois on l'interprète, elle tombe. Ça veut dire, si tu ne veux pas qu'elle tombe, ne l'interprète pas. Et surtout, n'interprète pas la vision selon une mauvaise manière, parce qu'elle va se réaliser selon ce que on te l'a interprété. Rawah Ibn Majah wa Sahaha al-Albani, rapporté par Ibn Majah, authentifié par al-Albani. Wa fi riwaya qala sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, le prophète prière et salut sur lui dit, inna ar-ru'ya taqa'u ala ma tu'bar. يعني النبي يقول لك الرؤيا ستسقط ستتحقق على قد داكشي اللي تفسرت عليه. Le prophète dit, la vision va tomber sur son interprétation. Ça veut dire, va se réaliser conformément à l'interprétation donnée. Rawahu al-Hakim fi Mustadraki, rapporté par l'imam al-Hakim. Fa'idha hakayta ya akhi ou ya ukhti, ru'yaka li insan jahil, ou li mra'a jahila. Dans le cas, frère ou sœur, où tu racontes ta vision à un homme ignorant, à une personne ignorante, fa yufassiruha khata'an, et il va te l'interpréter erroné, fataqa'u ru'ya ala tafsirihi. Et la vision va se réaliser selon son interprétation. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحكيها إلا للبيب للعالم أو لحبيب. Raison pour laquelle le prophète prière et salut, il a dit, ne raconte pas ta vision qu'à un expert ou un savant. لأنه يفسرها بعلم, parce que l'expert il va l'interpréter selon le savoir. يفسرها بتفسير حسن, au minimum il va lui donner une bonne interprétation. أو يسكت لشافها شي شر يسكت ما يفسرهاش. Ou au moins s'il voit un mal à travers ta vision, il va rien dire, il va garder le silence, il va te dire oublie ça. لأنه يعرف خطر التفسير ووقوع الرؤيا عليه, parce que l'expert connaît le danger de l'interprétation et la réalisation de la vision selon l'interprétation. انظر ماذا قال الناس ليوسف عليه السلام. Regarde avec moi, mon frère ou ma sœur, ce que les gens ont dit à Joseph, prière et salut, طالبين تفسير رؤاهم, lorsqu'ils lui ont demandé l'interprétation de leur vision. في الآية الأولى, dans le premier verset, قالوا نبئنا بتاويله inna naraka min al-muhsinin, informe-nous de son interprétation car nous te voyons parmi les gens du bien, parmi les bienfaisants. Wa fil ayat thaniya, et dans le deuxième verset, yusuf ayyuha as-siddiq, wa anta tchad wahed tqul ayyuha al-kaddab fassir li hadha ar-ru'ya, ayyuha al-'asi ayyuha msakhut al-walidin fassir li hadha ar-ru'ya, yusuf ayyuha as-siddiq aftina, bma'na fil manam dialna aftina. Donc dans le deuxième verset, les gens ont dit, Joseph, oh véridique, tu ne vas pas demander à un désobéissant pour t'interpréter la vision, ou un ignorant. Joseph, oh véridique, donne-nous ton avis, ça veut dire à propos de notre vision. Idan akhi urti, idha wajadta insanan muhsinan. Dans le cas, frère ou sœur, où tu trouves, tu tombes sur un bienfaisant, siddiqan, un vertueux, un véridique, aliman, un savant, un expert, wa ma aqallahum fi hadha zaman, et combien ce genre de types sont devenus rares à notre époque. Idha wajadta insan, fahki lahu ru'yak. Dans le cas où tu tombes sur cette personne, raconte-lui ta vision. Wa illa al-ahsan lak as-sukut. Mais sinon, garde le silence, ne raconte à personne. Al-Nuqta al-Rabi'a, le quatrième point, Nuqta al-Rabi'a wal-Akhira, quatrième et dernier point, Sifatul Mufassir, les attributs de l'interprète qui peut interpréter. Awalan, premièrement, la budda lil mufassir an yakuna aliman bil Qur'an wa sunnah wa irti al-ulama fi maydan tafsir al-ru'ya. L'interprète doit connaître bien, doit maîtriser le Coran, la sunna et l'héritage des prophètes dans le domaine de l'interprétation des visions. فمثلاً, je donne quelques exemples. مثلاً, السفينة. واحد يشوف السفينة في المنام. السفينة تفسر بالنجاة. Si on, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui voit un bateau ou qu'il est sur le bateau dans un rêve, les savants disent que le bateau se traduit par le salut, tu seras sauvé. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, فأنجيناه وأصحاب السفينة. Nous le sauvâmes, lui et les occupants de l'arche, c'est-à-dire du bateau. Ou al-libas, mithal akhar, un deuxième exemple, al-libas, tu vois ce que tu as dit, yufassar bizawaj. Les vêtements s'interprètent par le mariage. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Elles sont, elles vous sont un vêtement, ça veut dire les femmes, et vous êtes un vêtement pour elles. Je donne un troisième et dernier exemple, le lait. Le lait, tu es en train de boire du lait, ça se traduit par la science. Exactement comme l'a interprété le prophète, prière et sagesse, muttafaqun alayh, unanimement authentique. Les exemples dans ce domaine se comptent par milliers. Et en réalité, الخبرة أو العلم في تفسير الرؤيا هبة من الله يهبها لمن يشاء. La maîtrise, la science ou le savoir dans le domaine de l'interprétation du rêve est un don que Dieu donne à qui il veut parmi ses serviteurs. قال تعالى ليوسف عليه السلام. Dieu dit à Joseph, prière et ça sur lui. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. من المعلم؟ الله هو الذي علم هذا العلم. هو علم علم التأويل ويعلمك من تأويل الحديث. Et c'est ainsi que ton Seigneur t'instruit dans l'art d'interprétation des songes. ثانياً, deuxièmement, لا بد للمفسر أن يكتم سر صاحب الرؤيا فإنها أمانة. Il est obligatoire ou il est du devoir de l'interprète de cacher, de ne pas dévoiler le secret ou le dépôt qui est constitué par cette vision. Il ne doit pas le divulguer aux autres. Il doit parler selon un meilleur ou un bon parler avec la personne qui est devant lui. L'un des califes dit à un interprète, j'ai vu que toutes mes dents sont tombées. فقال المفسر et l'interprète lui dit جميع أقارب مولانا أمير المؤمنين يموتون. Tous les proches de notre maître l'émir des croyants vont mourir. فغضب الخليفة, le calife est devenu en grande colère. وسأل آخر, il a posé la question à un deuxième interprète. فقال الثاني, le deuxième lui dit إن صدقت رؤيا مولاي أمير المؤمنين, dans le cas où la vision est véridique, la vision de mon maître, l'émir des croyants, est véridique. فَإِنَّهُ يَكُونُ أَطْوَلُ عُمْرًا مِنْ أَقَارِبِهِ. Il sera ou il aura le plus grand, ou il va vivre plus longtemps que tous ses proches. فَفَرِحَ الْخَلِيفَ. Et le calife est devenu tout content. طَرِيقَتَانْ مُخْتَلِفَتَانْ. Deux méthodes différentes. وَلَكِ الْمَعْنَ وَاحِدْ. Mais le sens est le même. C'est la mort des proches. Mais comment on va annoncer cela à celui qui écoute. Thalithan, troisièmement, على المفسر أن يفسر الرؤيا على حسب حال الرائي. L'interprète doit interpréter le songe ou bien la vision selon l'aspect apparent de celui qui pose la question. أهو صالح أم عاصي؟ Est-il un vertueux ou est-il un désobéissant؟ مرة أمير التأويل الإمام محمد ابن سيرين رضي الله عنه. Une fois l'émir de l'interprétation des rêves, qui est l'imam Muhammad, fils de Sirin, que Dieu soit satisfait de lui, قال له رجل رأيتك أني أؤذن. Un homme lui dit dans une assemblée, je me suis vu en rêve comme si je faisais l'appel. فنظر إليه الإمام, l'imam l'a vu, ثم قال يسرق وتقطع يده. Il lui a dit, il vole et sa main sera coupée. ثم سأله رجل آخر. Et un autre homme lui a posé la même question. رأيتك أني أؤذن. Je me suis vu comme quelqu'un qui fait l'appel. فنظر إليه الإمام. L'imam l'a vu. فقال تحج بيت الله الحرام. Tu vas être un pèlerin. Tu vas faire le pèlerinage. فتعجب رجل من الجالسين. Un parmi les assis s'étonna. كيف يا إمام؟ Comment se fait-il au imam؟ الرؤيا واحدة. Il s'agit du même rêve. والتعبير مختلف. Et l'interprétation est différente. قال رأيت الشر في وجه الأول. Il a répondu, j'ai vu le mal qui sortait du visage du premier. فأولت له من الآية. Et je lui ai interprété à partir du verset coranique. ثم أذن مؤذن نيتها العير إنكم لسارقون. Puis un appeleur proclama, chamelier, vous êtes assurément des voleurs. والثاني رأيت في وجهه الخير والصلاح. Mais dans le deuxième, j'ai vu à travers son visage le bien et la vertu. فأولت له من الآية وأذن في الناس بالحج. Et je lui ai interprété à partir du verset coranique, lance parmi les gens un appel pour les inviter au pèlerinage. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. À la fin, je vous recommande et à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, adorateurs de Dieu, lis ثلاث ملاحظات عن الرؤيا. J'ai trois remarques à propos de la vision. الأولى, la première, لا يمكن أن نصدق أحدا إذا قال قولا مخالفا للدين بناء على رؤيا. On ne peut pas, mes frères et mes sœurs, croire à quelqu'un, à ses dires, à ce qu'il raconte, lorsqu'il dit, comme, lorsqu'il nous dit quelque chose contraire à notre religion. Et lui, pour dire ça, il se base sur une vision. كأن يقول, comme s'il dit, رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il va nous dire, j'ai vu dans une vision le messager de Dieu, prière et salut sur lui. قال لي بأن حجاب النساء المسلمات لا يوافق هذا العصر. Comme quoi le voile des femmes musulmanes n'est plus conforme avec cette époque. فلا نصدق هذا الكلام. On ne doit pas croire à ce genre de parole. ويقول لك اكتبها ou photocopie-la, ou rsel-la, ou la retra-la, ou la retra-la, ou la retra-la. Donc, comme quoi, et il va te dire, tu dois photocopier cela et le transmettre, etc., par mail ou par SMS, ou je ne sais pas. Tu ne fais rien de tout cela, sinon tu es associateur avec, tu es associé avec lui. Marra qala rajulun lil-qadi. Une fois, un homme a dit à un juge, laylat al-shak, et c'était la nuit du doute, le lendemain, il y avait peut-être ou pas le mois de Ramadan. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. Il a dit au juge qui décrétait ou pas le début du Ramadan. Le messager de Dieu, prière et salut, m'a dit dans une vision pendant le sommeil, صم غدا, jeûne demain, c'est-à-dire le jour du doute. يعني غدا يوم الشك. فقال له القاضي. Et le juge lui dit, ونحن قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا تصوم غدا. Et nous, le messager de Dieu, prière et salut, nous a dit dans l'éveil, et non pas dans le sommeil, il nous a dit ne jeûnez pas demain. Est-ce qu'on suit le messager de Dieu ou on suit ce que tu dis ? الملاحظة الثانية, la deuxième remarque, كن صادقا يا أخي ويا أختي, sois sincère, sois véridique mon frère ou ma soeur, في النهار, pendant le jour, تكن رؤياك صادقة بالليل, et ta vision deviendra véridique, deviendra sincère pendant la nuit. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière, et ça lui dit, وأصدقهم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا رواه مسلم ورواه الترمذي وابن ماجه. Le prophète dit, et celui ou ceux parmi vous qui accomplissent les visions les plus véridiques ou les plus sincères sont ceux parmi vous qui prononcent les paroles les plus véridiques pendant le jour, qui ne sont pas des menteurs. Rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Tirmidhi ibn Majah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yusamma fi Makkah bis-Sadiq al-Amin. Le prophète prière, on l'appelait dans la Mecque le sincère et le véridique. Fakana yara ar-ru'ya as-sadiqa fi an-nawm. Et il voyait la vision sincère, véridique dans la nuit. Fata'ti mithla falaq as-subh. Et elle se réalisait sa vision, ça veut dire comme la lumière du jour. كن عبدا تقيا عاملا للصالحات بالنهار. Frère ou sœur, sois un adorateur pieux accomplissant des bonnes œuvres le jour. يبشرك الله بالرؤيا الصالحة بالليل. Et à ce moment-là, Dieu va t'annoncer les bonnes nouvelles grâce à des visions sincères la nuit. جزاء لك, pour comme récompense pour toi. ويحميك من الشيطان. Et Dieu va te protéger contre le mal satanique pendant la nuit بالليل. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الشيطان ما يكون عنده السلطان حتى في الليل عليك. Certes, mes adorateurs, tu n'as sur eux aucun pouvoir. Dieu parle avec Satan. Tu n'as sur eux aucun pouvoir sauf ceux qui te suivent parmi les dévoyés. Amma in kunta min ashab al-ma'asi. Mais mon frère ou ma sœur, si tu fais partie des gens qui commettent les péchés bin nahar le jour, bima'na kunta mimman yal'ab bihim ash-shaytan bin nahar, c'est-à-dire tu fais partie des gens qui sont utilisés comme des jouets entre les mains de Satan. Il joue avec toi, où il joue de toi, où il se moque de toi le jour. فَعْلَمْ بِأَنَّهُ سَيَلْعَبْ بِكَ بِنَفْسِ الطَّرِيقَ بِكُلِّ سُهُولَ فِي اللَّيْلِ. Sache à ce moment-là qu'il va faire la même chose avec toi pendant la nuit. Il va se moquer de toi avec beaucoup de facilité la nuit. Al-Mulahada, où chaque fois que tu vois Satan, il t'a utilisé comme un jouet, il s'est moqué de toi pendant la nuit, sache que tu as désobéi pendant ce jour à Dieu subhanahu wa ta'ala. فِي الْمَيْلْ عَبَّكَ الشَّيْطَانِ أينما لعب بك الشيطان في الليل فاعلم بأنك عصيت الله في ذلك النهار. الملاحظة الثالثة والأخيرة, la troisième et dernière remarque, الرؤيا تبين لنا قدرة الله. La vision nous montre la puissance, la capacité de Dieu. فالروح في المنام تتحرر من الجسد. L'âme ou l'esprit se libère pendant la nuit du poids du corps. والدليل قوله تعالى وتبارك في هذه الآية. La preuve se trouve dans ce verset coranique. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. واللي ما تموتش في المنام تاهي ياخذها. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dieu retire aux êtres leur âme au moment de leur mort, ainsi qu'à ceux qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient l'âme de ceux dont il a arrêté la mort et il relâche l'autre pour un délai nommé à l'avance. Il y a certainement là des signes pour des gens qui méditent. Bimana, الروح لها عالمان, عالم اليقظة وعالم المنام. Ça veut dire l'esprit jouit de deux mondes, le monde de l'éveil, ce qu'on voit, ce monde qu'on voit, et un autre monde qu'on voit dans le sommeil. ورغم ذلك ترى من غير أعين في عالم المنام. Et malgré ça, l'esprit ou l'âme arrive à voir dans l'autre monde nocturne ou du sommeil sans yeux. Al-ayn masdouda, les yeux sont fermés pendant le sommeil et l'esprit arrive à voir. Wa tasma' min ghayri adhan, et l'esprit arrive à entendre sans oreille. Fan-na'im yasma' kalaman, yasma' ashya'an wa anta bi janibihi la tasma' shay'an. Celui qui dort, il entend des paroles et tu es juste à côté de lui, tu n'entends rien. Ça veut dire il n'a pas entendu avec ses oreilles. وتتكلم الروح من غير لسان, Et l'esprit a la faculté, gloire et pureté à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et l'esprit, sans priver du corps, arrive à parler sans l'utilisation d'une langue ou d'une bouche. Al-fam masdoud, la bouche est fermée. Wal-nafs aw-ruh tafrah. Et l'esprit devient joyeux. Tahzan, sa triste. Tahaf, a peur. Tata'allam bil-adab min ghayri jasad. Et l'esprit dans le sommeil ou dans le monde extraordinaire du sommeil souffre par un châtiment sans corps. Ou mlefir mail kawalashay fi jismihi. Et lorsqu'il se réveille, il ne trouve aucun mal dans son corps, aucune trace sur son corps. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَزَاءَ أَوْ الْعَذَابَ فِي الْقَبْرِ يعني بعد الموت قبل الحساب. Ceci est une preuve comme quoi la récompense ou le châtiment dans la tombe, ça veut dire après la mort et avant le jugement dernier. وَلَوْ تَحَلَّلَ الْجَسَدْ أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جَسَدْ كَالْمَحْرُوقِ مَثَلًا. Même si le corps se décompose avec les années, ou bien même s'il n'y a pas de corps parce que l'homme a été brûlé, par exemple, أن الجزاء أو العذاب يختص بالروح إلى يوم القيامة. Ceci signifie que le bonheur ou bien le châtiment ou le malheur concerne l'âme ou l'esprit jusqu'au jour de la résurrection. وأن الروح إما تتنعم وإما تتعذب بعد الموت. Et comme quoi l'âme est soit en train de jouir d'un grand bonheur ou dans un grand malheur jusqu'à la mort. والرؤيا في الدنيا آية على كل هذا. Et Dieu a fait de la vision un signe pour nous interpeller à travers ou pour tout cela. نسأل الله السلامة. On demande à Dieu سبحانه وتعالى le salut. اللهم إني داعٍ فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا سيدي يا مولاي يا من لا إله إلا أنت نتوجه إليك في هذه الساعة. يا رب اجعلنا من أهل البشرى في هذه الدنيا وفي الآخرة. يا رب بشرنا. يا رب تنعم علينا بالبشرى. يا رب هب لنا رؤى صالحة. يا رب بشارات صالحة. يا رب اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في المنام. يا رب اجعلنا من أهل البشارة ولا تجعلنا من أهل العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا من الصالحين بالنهار حتى نكون من أهل البشارة من الليل. يا رب قنا تلاعبات الشيطان. يا رب لا تجعل الشيطان يلعب بنا في النهار أو في الليل في النوم أو في اليقظة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.